une question de protection pour toutes les générations. Je dis sans exception, je ne suis pas un donneur de leçons. C'est une question de protection pour toutes les générations, et cela sans exception. Protège ton vuvuzela avant de faire waka waka. Protège ton vuvuzela parce que Billy Echela. Le vuvuzela protégé, waka waka sécurisé. Quand il n'y a pas de danger, le vuvuzela peut sonner. You got to protect your vuvuzela before you waka waka. I say protect your vuvuzela. Don't let HIV take your life. Protect your vuvuzela. You got to protect your vuvuzela. Protect your vuvuzela before HIV takes your life. Protect your vuvuzela before you waka waka. Don't you waka waka. Protect your vuvuzela before HIV takes your life. Protège ton vuvuzela.